Alo, iye, assalamu alaikum sama gay wa lebon dipon amon na fi ndanan wa ki nek ben gelle won may xam rek gelle am pare rek may ñoo ci kaw fi france xam nga ñoo dem france di jangi mais gel bi am fi ay 6 mois 1 an 9 mois rek gel bi na deggatul olof barki rasulillah gel bi xol deggatul olof reel xol r yi mom bu son mo r yi bokku doy bay gel yalla def nak xam rek fin d'année mu dem xam école tej mu dem senegal quoi bu ne ba Sénégal wacc aéroport xam nga so wacc ci aéroport xam rek amna ay fichier wo remplir quoi xam nga def sa tour fi nga dëkk kërëb kërëb quoi gël remplir patam ñoo jox police bi quoi police bi lire lire ne ko mais yow fo dëkk ci Sénégal quoi mu ne ko man Dakar mu ne ko wé je sais quoi mais fans Dakar mu ne ko ni Creusbourg way ne ko lan mu ne ko Creusbourg la dëkk rek waji arrêté ndayam tél gëna fo dëkk Sénégal mu ne ko waxi nan